Jean-Marie ten fortes mãos, sombras do sol de brau. Cor da pálida morte, sonche da xoana esas mãos. Beberon bárbaros seus, sedutoras e inmigrantes. Enrolaronse arros ou traficaron diamantes. Petimo, dans des petites bouches, petites gens, rétrécis par l'éblouissement et la lumière, par la cruauté du paysage. Non ci son maus de curman nin de operarias banais, fedorentas nas fábricas, ebrias de breu e alcatrán. Son as do lombo quebrar maus que nunca nos fan mal. Son fatais como as máquinas, fortes como un semental. Timon, dans des petites bouches, petites gens, rétrécis par l'éblouissement de la lumière, par la cruauté du paysage. Oriente e vermelho. Sai o sol e caen os corpos en fileiras sobre os eidos. A miña avoa regaba o millo erguida contra o horizonte, sen pestanexar. Quería ser a meniña das longas tranzas, obviando a negrura que medraba debaixo dos seus pés. Cabelo trenzado nun mar de coitelos, a princesinha na vea vai recitando versos de Heráclito. A masán está podre demais para suscitar a miña cobiza. Iso sí, mantenha intacta a sede de vingança. Pálidas doas de amor, sol de escarnio e maldicer, metralladoras de bronce. A travers Paris en surgir. L'Orient est rouge, le soleil se lève. Les moissons ne sont que le désir répandu sur la terre. La veine recherche de l'infini dans le temps, conservant des espaces pour la douleur. Larmes et couteaux.